Bonjour à tous et à toutes. Pascal Diaz, donc je suis militant au Sud aussi, je participe du collectif unitaire Printemps de la psychiatrie. C'était tout à fait normal qu'on soit là aujourd'hui pour Thomas, comme on l'était la semaine dernière pour Philippe, et qu'on soit là aussi pour les collègues du Rouvray, parce qu'avec votre direction qui manage par la peur, évidemment, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on soit présent et présente à vos côtés. On était aussi là pour une autre raison, c'est qu'on doit beaucoup aux collègues du Rouvray, aux camarades du Rouvray, parce qu'il y a 2 ans, en 2018, quand vous avez entamé votre longue lutte et la grève de la faim de 18 collègues, c'était le point de départ d'un mouvement dans les hôpitaux psy, des luttes radicales combatives. Il y a eu les Perchés du Havre, il y a eu ensuite les Pinel à Amiens, et ça a été un peu l'acte de naissance du printemps de la psychiatrie. Alors voilà, votre combat, le combat historique des collègues du Rouvray pour des soins dignes, des moyens de travailler dans de bonnes conditions pour les patients, c'est aussi le nôtre. C'est aussi le combat de mon syndicat, le combat du printemps de la psychiatrie. Et vous aviez évidemment tout à fait raison de dénoncer dans les réseaux sociaux cette note de service tout à fait indigne et irresponsable. Et que je pense que plutôt que de mettre nos collègues, nos camarades en conseil de discipline, je pense que la direction devrait s'excuser d'avoir pondu une note de service pareille. Et que je pense que si, et je pense, quand je dis je pense, on est nombreux à penser ça, que si des gens doivent être jugés, c'est bien plutôt les directions que des collègues qui sont de fait des lanceurs d'alerte. Et la situation du Rouvray, elle est hélas pas uniquement au Rouvray. Nous, dans le 9-3, dans mon département, on a par exemple, là, il y a tous les jeudis depuis le déconfinement, on a une casserolade à l'hôpital d'Avicenne, à Bobigny. Les collègues, ils manifestent pour réclamer des moyens, réclamer des effectifs, réclamer des salaires, réclamer des lits, etc. pour les patients, pour bien soigner. Et il y a en présence, toujours, à chaque casserolade, le DRH et un huissier pour noter le nom des manifestants et manifestantes. À l'EHPAD de Devry-Gargan, j'ai distribué le tract là tout à l'heure, il manquait de tout. Et la direction était totalement aux abonnés absents. Il y a eu 4 demandes de CHSCT extraordinaires. La direction n'a pas levé le petit doigt. La collègue, la camarade Anissa, qui est représentante au CHSCT et déléguée sud, n'a pas eu d'autre choix, de fait, que d'alerter les médias. Eh bien, la directrice, du coup, là, ces derniers jours, a décidé de la mettre en conseil de discipline pour le droit de réserve, pour la dignité d'établissement, etc., etc. Bon, c'est totalement insupportable. Donc, on va manifester lundi matin. J'invite ceux et celles qui se lèvent très tôt à venir à partir de 9h30 devant les pattes de l'Ivry-Gargan. Mais ça, c'est une logique qui est totalement inadmissible. Et je crois que derrière toutes ces affaires-là, c'est pas quelques directions comme ça. Je pense qu'il y a une reprise en main. Je pense qu'il y a eu les belles paroles de Macron. Vous vous rappelez au pic épidémique, là, c'était en gros, on va tout revoir, le service public, etc. Et puis il y a eu les médailles, et puis il y a eu le défilé du 14 juillet qu'ils vont nous faire avec des soignants, etc. Et depuis, la musique, elle a un peu changé quand même. Donc là, ils vont sûrement revaloriser un peu, ça ne va pas suffire, les personnels, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation le 16 juin. Mais la vraie logique, elle a été annoncée par le Premier ministre, c'est on va aller plus vite, plus loin, plus fort dans la marchandisation. Et c'est ça qui joue dans le Ségur. Et que pour ça, il y a un but et un objectif du pouvoir. C'est de reprendre la main, c'est de nous museler à nouveau, c'est de nous remettre les chaînes. Et du ministre, du gouvernement, en passant par les ARS, en passant par des directions zélées, on est en train de nous faire taire à nouveau, nous remettre les chaînes. Et c'est clair et net, et je termine là-dessus, ça on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas retourner dans le monde d'avant en pire. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est effectivement continuer à se battre, ne rien lâcher. Le 14 juillet, par exemple, on organisera un contre-défilé, on tournera le dos à Macron, on y fera un bras d'honneur, avec tous les premiers de corvée. On va faire ça le 14 juillet et à la rentrée, il faudra qu'on voit effectivement très soudé, très calé. Et par exemple, le 25 septembre, quand il y aura le procès de Farida, Farida, vous savez, celle qui a lancé des pierres de 3 kilos sur des CRS là, aux Invalides. Eh bien, Farida, c'est un symbole de cette affaire-là. C'est un symbole de cette affaire-là. Eh bien, il faudra qu'on soit tous et toutes en grève le moment du procès de Farida, le 25 septembre. Je vous remercie.